Votre sélection débutera après cette publicité. De la randonnée en montagne jusqu'à la croisière en mer, ou bien en descendant les rivières en canot avant de profiter d'un délicieux pique-nique sur la plage, les vacances en Gaspésie, c'est simplement le plus beau terrain de jeu du monde. En attendant de vous y voir, Tourisme Gaspésie vous souhaite bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le combat d'Harvey Milk pour la défense des droits de la communauté gay aux États-Unis. Cet enregistrement sera écouté uniquement si je meurs assassiné. Je rêve que chaque médecin gay puisse sortir du placard, chaque avocat gay, chaque juge, chaque bureaucrate, chaque architecte. Levez-vous. Faites-le savoir au monde entier. Ça aura toujours un effet beaucoup plus grand que vous ne pouvez le croire sur la fin des préjugés. Quelques jours seulement avant d'être assassiné, Harvey Milk enregistre ce message dont vous venez d'entendre un extrait, comme s'il avait pressenti ce qui allait lui arriver. L'un des premiers politiciens ouvertement gay à avoir été élu aux États-Unis, Harvey Milk est devenu, au fil du temps, l'une des figures légendaires du combat des homosexuels pour la reconnaissance de leurs droits. His name was Harvey Milk, and he was here to recruit us, all of us. Il s'appelait Harvey Milk. Il était là pour nous convaincre, chacun d'entre nous, de joindre un mouvement et de changer la nation. Durant la première partie de sa vie, il a gardé le silence sur sa réalité. Et à la fin de sa vie, il a été réduit au silence par quelqu'un. Mais dans ce court moment où il a pris la parole, sa voix a remué les aspirations de millions de personnes. His voice stirred the aspirations of millions of people. Après plusieurs tentatives, il est devenu le premier Américain ouvertement gay à être élu dans la fonction publique. Et son message d'espoir, un espoir sans honte et sans peur, ne pourra jamais être réduit au silence. C'est Harvey lui-même qui le disait le mieux. Vous devez leur donner de l'espoir. It was Harvey who said it best. You gotta give them hope. Le président Barack Obama, le 12 août 2009, au moment où il remet à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté à Harvey Milk, pour nous présenter le parcours pour le moins singulier d'Harvey Milk, pour nous parler aussi de son héritage, je reçois l'historien et politologue Jean-Charles Panton, qui est également militant actif de la communauté LGBT du Québec. Jean-Charles Panton, bonjour. Bonjour Jacques. Qu'est-ce qu'il représente Harvey Milk, cette figure-là, qu'est-ce qu'elle représente pour la communauté LGBT des États-Unis? Bien, Harvey Milk, c'est le premier homme politique. Là, il y avait eu une femme avant, il faut le mentionner, mais c'est le premier homme politique qui s'affiche ouvertement gay. Donc, c'est un précurseur des droits LGBT, ça, c'est sûr et certain. C'est un personnage qui est atypique, et c'est un personnage qui va militer et qui va dire des choses à une époque où la société américaine n'accepte pas du tout, en fait, ou comme il le dira lui-même, connaît très, très peu de choses la réalité des gays et lesbiennes de cette époque-là. Donc, c'est véritablement quelqu'un qui doit faire une traversée du désert, et une pédagogie immense auprès de la population américaine sur la question gay. Et il va, tout au long de sa courte vie, disons, tenter de faire sortir, comme il le dit si bien du placard, là, du closet, un grand nombre de gays et qui puissent vivre leur vie normalement, en plein jour, en fin de compte, avec toutes les libertés et les droits auxquels ils ont droit comme tel. Voilà. Un pionnier, même s'il y a quand même eu au 20e siècle déjà des mouvements d'affirmation, de combat pour la reconnaissance des droits des gays, mais on peut le situer quand même dans cette lignée-là des pionniers qui font avancer les choses et puis qui, parce que assassiné, devient, vous me corrigerez, mais un symbole très, très fort pour la communauté gay. Bien, ça devient, on dit, un martyr. On l'a souvent appelé le Martin Luther King des droits gays. C'est évidemment sa mort marque beaucoup beaucoup les esprits. Et c'est sûr qu'à partir de là, il va y avoir, vous savez, il y a eu ce tournoi en 1969 à New York, qui est un événement marquant dans la lutte pour les droits des gays. Bien, il y a la mort de Harvey Milk aussi, qui va susciter tout un élan de solidarité au sein de la communauté gay et qui va emmener en fait les gays à revendiquer plus. Et puis donc c'est le premier, mais c'est évidemment évidemment pas le dernier. Donc, il va avoir, comme le mentionnait Barack Obama, c'est quelqu'un qui va inspirer énormément d'autres gays et puis voilà, qui va faire évoluer les choses pour le mieux. Ouais. Il prend conscience assez jeune, Harvey Milk, du fait qu'il est homosexuel. L'action, ça viendra beaucoup plus tard, mais assez vite, il sait qu'il est homosexuel. Il est aussi très, très tôt confronté à l'homophobie ambiante du temps et ça commence dans les murs de sa maison, si on peut dire. Parlez-moi de ça, de sa jeunesse, mais plus que ça aussi du contexte social de l'époque. Les États-Unis de cette époque-là, des années 40, les années 50, où en est ce pays-là, à ce moment-là, par rapport à l'homosexualité, Jean-Charles Panton? Ben, l'homosexualité, elle est dans les, si on parle des années 40 et 50, c'est quelque chose qui est pas du tout admis, qui est caché. C'est un péché, en fait. Puis, on peut l'appeler aussi, l'associer à un crime. On l'associe aussi à une maladie. Vous savez, il va falloir attendre 1962 pour que l'Illinois, abolisse, si vous voulez, cette loi-là contre les perversions sexuelles dans laquelle on retrouvait l'homosexualité. Donc, on est vraiment très, très, très loin. Non seulement c'est caché, non seulement c'est interdit, mais c'est aussi réprimé. C'est réprimé non seulement par l'État, par les lois, comme je viens de le mentionner, mais aussi il y a beaucoup d'assassinats, de vendettas personnelles, de gays qui sont chassés littéralement et qui souvent vont perdre la vie, vont être assassinés. Donc, c'est un contexte qui est vraiment très, très difficile, si bien que Harry Milk le sait dès 14 ans. C'est ce qu'il dira, c'est ce qu'il déclarera à un moment donné. Il vit dans un milieu qui est aussi... Il est d'origine, donc on revient un petit peu, là, il est né en 1930, il vient de l'État de New York, la petite ville de Woodmere. Il est le fils de William et Minerva Milk et ce sont des Juifs d'origine lituanienne. C'est son grand-père, Morris Milk, qui a immigré à l'époque, qui voulait faire fortune aux États-Unis. Il fera fortune aussi. C'est un homme d'affaires qui est un homme d'affaires à succès et c'est aussi un homme qui est très connu dans sa communauté pour avoir édifié la première synagogue de la région. Donc, c'est un milieu, somme toute, assez conservateur. Il le sait depuis 14 ans, donc il le gardera pour lui-même. Mais Milk est une personnalité très forte. C'est quelqu'un qui est enjoué. C'est quelqu'un qui est plein de vie. On va le surnommer Glimpsy à cause de ses grandes oreilles, de son grand nez, de ses grands pieds. Il joue souvent le clown dans les classes. Donc, c'est quelqu'un qui même s'il sait qu'il est gay, ben ça ne l'arrête pas. Il vit pleinement sa vie comme tel. Et puis il va ensuite, à la suite d'études, donc il va d'études en mathématiques et en histoire, il va s'engager pour la U.S. Navy. Il va y travailler pendant 4 ans. Mais à l'époque, on fait des enquêtes sur les orientations sexuelles, les rumeurs, la réputation, tout ça sont très importantes. Et donc on va après une entrevue le remercier comme tel. Et il parlera à ce moment-là de parce qu'homosexuel. Parce qu'il est homosexuel, tout à fait. Et ça, c'est important pour lui. Ça va être un déclencheur. C'est un déclencheur, absolument. Il faut juste mentionner que il n'est pas le seul. On va faire une grande chasse aux sorcières à l'époque aussi. Et on va chasser, donc, de la US Navy et des armées de terre, etc. On va les chasser, donc, ces gens-là de l'armée. On n'en veut pas, comme tel. Et donc, oui, c'est un événement important pour lui. Et il va, à partir de là, décider d'aller vivre d'abord à Dallas, ensuite à New York, où il va se faire engager. Bon, Dallas, c'est difficile parce qu'il est juif, donc on n'apprécie pas beaucoup. Il faut dire qu'il est gay, mais il est aussi juif, à une époque où les juifs sont discriminés énormément aussi, il faut le dire. Alors, il va s'en aller à New York, et là, il va travailler sur Wall Street comme financier. C'est là qu'il va commencer son travail. Et il va, par la suite, c'est un touche-à-tout. On l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très vivant, qui est très, très intéressé par beaucoup de choses. Il va commencer à faire du théâtre, il va s'associer à un producteur, il va produire Jesus Christ Superstar, les grandes comédies musicales. Et c'est là qu'il va aussi rencontrer son premier compagnon. Et de là, ils vont partir de New York pour s'en aller à San Francisco parce qu'à l'époque, San Francisco... Tous les gays s'y dirigent. Il y a le quartier Castro qui attire tous les gays. Ouais. C'est là que se trouve une certaine communauté. Donc, il y a beaucoup d'attrait pour les gays à cette époque. Et assez vite, il va embrasser cette vie communautaire gay de manière très, très importante. Il va devenir... il tient une petite boutique, en fait, dans ce quartier-là. Et il participe à la vie gay, mais de manière très, très active. Racontez-nous un peu cette vie qu'il a avant la politique, mais à San Francisco. Ben, il est toujours avec son caractère, comme on le mentionne, très enjoué, très vivant, très sociable. Il va ouvrir une boutique avec son copain, Scott Smith, qui est aussi un activiste, il faut le dire, hein, parce que ça a un impact sur l'idéologie de Harvey Milk, la pensée de Scott Smith, son compagnon. Et donc, ils ouvrent un petit truc de caméra, de développement de films. À l'époque, on avait des caméras et on développait des films. Et donc, Castro Camera, ça s'appelle, c'est carrément en plein cœur du quartier Castro. Castro, donc tout près là, du grand théâtre Castro, pour ceux qui le connaissent et qui sont allés à San Francisco. C'est une façade absolument incroyable, très belle, baroque, coloniale espagnole. Donc, il est en plein cœur du quartier gay. Et là, il développe beaucoup de contacts. Il va mettre sur pied une association de commerçants d'abord, puis ensuite, il va aussi participer à l'organisation d'un grand événement d'été, là, une grande fête d'été, auquel il associe évidemment toute la communauté gay, mais aussi tous les gens du quartier. Hein. Il n'est pas exclusif, il faut le dire, Harvey Milk. Il travaille avec tout le monde. Il a une pensée sociale qui l'amène à défendre autant, si on peut dire, les aînés que les femmes. Il propose des garderies, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande, grande pensée sociale très large qui englobe tous les démunis, les défavorisés, donc, de ce quartier-là de San Francisco. Et on comprend bien, à vous entendre, que le pas qu'il va faire en politique était tout naturel pour lui. Là. Comment ça se passe? Il devient, on le rappelle, un premier élu ouvertement homosexuel de la Californie en 1977. Comment se fait ce passage à la politique et à la politique active pour lui? Bien, comme il est organisateur et représentant, disons, de cette grande association de commerçants-là, il est souvent en lien avec l'hôtel de ville et il va donc entrer en contact avec la mairie de San Francisco à l'époque et tout. Et il va militer pour, entre autres, certains changements politiques. Et l'un des changements qu'il favorise essentiellement, c'est qu'il faut comprendre à l'époque que les élections, la manière dont ça se passait, c'est qu'on élisait un certain nombre de conseillers municipaux. On les appelle les supervisors, mais ce sont des conseillers municipaux dans les fait. Et ces conseillers-là sont élus, donc c'est une longue liste, ils ne sont pas élus par territoire ou secteur, comme nous l'avons maintenant à Montréal, par exemple. Ouais. Ils sont élus juste sur des listes. Et donc, Harvey Milk veut, lui, parce qu'il est évidemment très impliqué dans son quartier, dans son secteur, il veut qu'on fasse un changement de ce système politique-là et puis qu'on puisse rattacher les conseillers municipaux à des districts, comme on appelle. Donc, c'est une réforme qui est somme toute importante. Et donc, il va militer en faveur de ces réformes-là. Il va réussir à faire passer ces réformes-là. Donc, quand il va se présenter, les deux premières fois, il se présente comme conseiller municipal. Il ne sera pas élu, malheureusement, en 73 et en 75, même s'il obtient quand même des résultats qui sont assez importants. Il va avoir 17 000 voix. Il est 10e sur 32 candidatures. Tout de même, c'est assez bon comme résultat, même si certains le prennent pour un clown. Hein. Alors, on n'est pas loin de l'époque où Harvey Milk, parce qu'il est enjoué, il a un grand sens de l'humour aussi. Ouais. On n'est pas loin de cette période-là où on le traitait de clown comme tel. Mais cette réforme pour laquelle il bataille va lui permettre finalement d'être élu en 1977. C'est une petite révolution quand même à ce moment-là, Jean-Charles Panton. Il sera élu en 77. Évidemment, il sera assassiné 11 mois plus tard. Donc, il aura été conseiller municipal de San Francisco peu de temps. Un petit mot quand même. Qu'est-ce qu'il a le temps de faire dans ces 11 mois? Quel bilan on peut faire de son action politique? Il a le temps de faire beaucoup de choses. Il faut peut-être juste mentionner une petite parenthèse. Là. Il a un appui de taille. Il a le maire avec lui. Hein. Le maire qui est George Moscone et qui est un progressiste qui est très, très ouvert à la diversité. Donc, c'est ce qui lui permet aussi, Harvey Milk, de pouvoir faire une carrière politique. Les réformes défendues, il va faire d'abord un premier projet de loi là, qui interdit toute discrimination à l'égard des gays, que ce soit en matière de logement, d'emploi, etc. Aujourd'hui, on peut penser que c'est quelque chose, parce que nous, on l'a dans nos deux chartes québécoises et canadiennes, mais il faut penser qu'à l'époque, ce n'est pas le cas. Et c'est très, très difficile pour la communauté gay, pour les gays, en fait. Il y a énormément de discrimination. Et donc, il va faire passer ce règlement-là. Et ça va, donc, avec l'aide, évidemment, du maire Moscone et des autres conseillers municipaux. Il n'y aura qu'une seule opposition. Un autre conseiller qui, lui, est plutôt conservateur, même extrêmement conservateur, c'est Dan White. On y reviendra un peu plus tard. Ouais. Et donc, il réussit à faire passer cette première loi. Il va surtout, et c'est son grand combat politique, je dirais, ça ne se passe pas à San Francisco, ça se passe au niveau de l'État de la Californie. Il va se battre contre ce qu'on appelle la proposition 6. Essentiellement, la proposition 6, ce qu'elle propose, elle est défendue par le sénateur Briggs. Ce qu'elle propose, c'est en fait de licencier tous les enseignants qui sont ouvertement homosexuels. Donc, c'est une loi qui est extraordinairement discriminatoire. Et je pense que cette loi-là nous permet de mesurer tout le chemin qu'on a fait au niveau des droits des gays et de voir à l'époque comment c'était difficile pour la communauté gay. Ouais. Et donc, évidemment, Harvey Milk va plonger de plein pied dans cette lutte-là contre cette proposition 6-là. Vous parliez de Dan White. C'est lui, donc, qui, le 27 novembre 1978, assassine Harvey Milk. San Francisco Mayor George Moscone was shot and killed today in his City Hall office. Minutes later, City Supervisor Harvey Milk was shot and killed in an office down the hall. And within an hour of the attacks, a former supervisor who had been trying to get his job back was arrested in that case. Sortons de nos placards. C'était le slogan favori de Harvey Milk, le premier politicien de San Francisco qui a fait de son homosexualité une arme politique. Élu en 1977 superviseur du 5e district, Harvey Milk était un populiste de gauche. Que toutes les minorités opprimées s'unissent contre l'establishment, se plaisait-il à dire, et nous serons la majorité. Porte-parole des homosexuels de San Francisco, Milk représentait beaucoup plus que le 5e district. Aussi, le maire Moscone en fit-il son dauphin. En novembre dernier, le maire et lui mouraient, assassinés. Le meurtrier, Dan White, ancien policier et ex-superviseur. C'est le récit de Daniel Pinard rappelant la carrière d'Harvey Milk présentée à l'émission Télémag que vous venez d'entendre. Et juste avant, vous entendiez l'annonce de la mort d'Harvey Milk au réseau ABC le 27 novembre 1978. C'est Dan White, donc Jean-Charles Panton, qui assassine Harvey Milk le 27 novembre 1978. Un mot sur le bonhomme, qui il est et pourquoi il décide d'assassiner Milk, mais Moscone aussi, le maire de San Francisco. Oui, tout à fait. Dan White, c'est un conseiller municipal qui décide quelques semaines auparavant de démissionner de son rôle de conseiller municipal. Il est l'un des rares sur ce conseil municipal-là à être plutôt conservateur. Homme blanc dans la trentaine, bon voilà. Alors que le conseil est composé d'une grande diversité, donc on retrouve une Afro-américaine, etc. D'origine, on a des gens d'origine chinoise, on a Harvey Milk évidemment qui est gay. Donc il est minoritaire et il est toujours en conflit avec les autres conseillers municipaux, si bien qu'il décide, il en a assez sur un, semble-t-il, un coup de tête, diront à l'époque certains analystes, il décide de démissionner. Et par la suite, il choisit de revenir. Donc quelques jours après sa démission, il demande à revenir. Malheureusement, c'est pas aussi facile quand on a démissionné officiellement. C'est une décision qui relève du maire. Et Moscone est très, très réticent à le ramener parce qu'il sait que ça amène au sein du conseil municipal beaucoup, beaucoup de tensions et beaucoup de, si on peut dire, d'échanges assez difficiles. Ouais. Et il choisit finalement de ne pas le reprendre et il choisit de nommer quelqu'un d'autre à sa place comme conseiller. Quand le jour où il doit annoncer, donc le maire Moscone doit annoncer le remplaçant de Dan White, c'est le jour où Dan White prend son revolver, le charge à plein, prend même un certain nombre de balles qu'il glisse dans ses poches de veston et il décide d'entrer à l'hôtel de ville par une petite fenêtre dérobée qu'il connaît. Parce qu'il ne veut pas passer évidemment au détecteur de métal. Ouais. Et là, il va monter directement au bureau de Moscone, il va avoir une discussion assez difficile et il va le tirer à bout portant de 5 fois. Donc, parce qu'il lui en veut, parce qu'il n'est pas d'accord non ouais. plus avec les positions trop progressistes qu'il prend pour la ville de San Francisco. Il est en opposition nette sur ce que décide Moscone et il juge l'influence de Harvey Milk beaucoup trop grande auprès du maire de cette époque-là. Et de fait, après avoir assassiné Moscone, il va croiser, est-ce que c'est par hasard? Mais en tout cas, Non, pas du tout. Non, c'est pas par hasard. Il sait très bien où se trouvent les bureaux de Harvey, parce que les bureaux sont dans des ailes opposées. Donc, il va partir du bureau du maire et il va se rendre dans le bureau de Harvey Milk. Et là, il va aussi le tirer à bout portant, encore une fois, 5 balles, dont 2 balles à la tête. Ouais. Parce que trop progressiste et parce qu'homosexuel. Il est homophobe, Dan White. Il est homophobe, oui, tout à fait. Il fera plusieurs déclarations en ce sens-là. Peut-être dire une petite exception, il va se prononcer contre la fameuse proposition 6, mais dans les faits, dans l'ensemble, il fait beaucoup, beaucoup de déclarations. Il dit que les San-Franciscains sont en train de perdre le contrôle de leur ville ouais. aux mains de gays parce qu'on organise plusieurs événements qui sont très, très bruyants en été, tout ça, où les gens se promènent torse nu, ouais. où les gays sont très exubérants. Et ça dérange énormément les éléments les plus conservateurs de San Francisco. Alors évidemment, ce double assassinat va provoquer une réaction très forte de la population. Il faut voir les images encore aujourd'hui là, en archive. Grande marche dans les rues de San Francisco. Le procès de Dan White qui va suivre va aussi provoquer des réactions très, très fortes. Parlez-nous de ça. Il reste peu de temps, mais pourquoi ce procès? De quelle nature est ce procès et pourquoi la réaction violente là, qui va suivre? Bien, c'est qu'essentiellement, il a tué deux personnes. Il a bien planifié sa chose. Donc, tout tourne autour de la préméditation. Et l'avocat, donc, de White, lui permet de ne pas être accusé, si on peut dire, d'homicide. C'est-à-dire d'être accusé d'homicide, mais pas d'avoir prémédité, en fait, ce crime-là. Alors, c'est une aberration, c'est incroyable. Tout tourne beaucoup autour au procès de la vie d'un homme blanc, Dan White, qui était déprimé, qui avait beaucoup de responsabilités, qui venait d'avoir un enfant, donc beaucoup de pression au niveau du travail et tout, et qui ne reconnaissait pas, en fait, tout le discours des gays, de Harry White et tout. Beaucoup de gens ont dit que, en fait, s'il s'en est tiré si bien, Dan White, dans ce procès-là, c'est qu'on a fait beaucoup un débat de valeurs fondamentales, et le jury a été séduit par les valeurs fondamentales que défendait Dan White comme tel. Et c'est ce qui lui a permis d'éviter, donc, d'être accusé de meurtre avec préméditation et d'éviter la peine de mort. Ouais. Donc, il a été emprisonné, mais au bout de 5 ans et demi, il est sorti donc de prison et puis voilà. Est-ce qu'il a provoqué? Il va se suicider plus tard, mais... Il suicide 2 ans plus tard, oui, après sa libération. Ouais. Cette faible sentence provoque une réaction très, très violente dans la rue de San Francisco. Ah, c'est une nuit sanglante. C'est un autre des grands événements très marquants de l'histoire de la communauté gay. Les voitures de police vont être brûlées. On va défoncer les portes de l'hôtel de ville. La police va réprimer de manière très dure aussi les manifestants. C'est une nuit très, très, très violente. Une nuit où les gens, la foule, et pas que les gays, il faut le dire, hein, parce que Harvey Milk avait beaucoup de soutien aussi au niveau des gens hétérosexuels, si on peut dire ça comme ça. Mais de beaucoup de gens qui trouvent complètement injuste. Et aussi du fait que Moscone a perdu la vie, aussi là-dedans, et on dirait que ça n'a compté pour rien, tout ça. Ici Harvey Milk. Je m'enregistre au mois de novembre, le 18. Cet enregistrement sera écouté uniquement si je meurs assassiné. Au cours d'une de mes anciennes campagnes, j'ai commencé à débuter mes discours avec une phrase qui est devenue comme une sorte de signature. Mon nom est Harvey Milk et je veux vous recruter. Si je devais parler devant un auditoire assez hostile ou plutôt hétérosexuel, d'habitude je soulageais la tension avec une farce. Oh, je sais que je ne suis pas celui que vous pensiez, mais j'ai laissé mes talons hauts chez moi. Le film de Gus Van Sant en 2008, on entend la bande-annonce de ce film-là, ça a permis vraiment à Jean-Charles Panton de revenir à cette histoire d'Harvey Milk, à son combat, à son héritage, qui avait peut-être été un peu oublié. Parlons de ça pour terminer cette émission, de son héritage, de la place qu'occupe aujourd'hui Harvey Milk dans la culture populaire américaine. Mais je pense qu'il demeure, on l'a entendu un peu avec Barack Obama, je pense que c'est un grand précurseur, je pense que les gens se rappellent bien de lui, je pense que sa mort, qui en a fait, comme on dit, un martyr, je pense que tous ces discours qu'il a fait, vraiment très difficile hein, de faire des discours de la sorte sur la réalité gay, à une époque où personne n'en parle, où personne ne connaît cette réalité-là, je pense qu'il c'est un homme qui était extraordinairement courageux. Il l'a fait tout en douceur, avec beaucoup d'humour. Voilà. Et donc, je pense que par la suite, ce film-là que vous mentionnez a beaucoup aidé. Il y a eu aussi, à l'époque, un documentaire, un excellent documentaire en 84, pour ceux qui voudront en savoir plus, The Times of Harvey Milk, qui est un documentaire extraordinaire, où on mesure et on sent toute l'euphorie, toutes les tensions aussi qu'on pouvait vivre à cette époque-là sur la question gay. Jean-Charles Panton, historien, politologue. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.